Des habitants sud-coréens se souviennent aujourd'hui aussi des exploits mortels du général Kim Jong-il, qui a inspecté le 24 novembre de l'an 85 du JC 1996, Panmunjom, lieu historique, avec la volonté de réunifier la patrie et mener à bonne fin l'édification d'une puissance socialiste et le mouvement de réunification du pays par sa politique de Sungun de nature patriotique. L'intellectuel Chun Myung-gu, un officiel en retraite qui était à Panmunjom et d'autres personnes de divers milieux, ont dit que son inspection brillera jamais dans l'histoire de la patrie réunifiée, puisque cette inspection est empreinte de la foi immuable d'accomplir jusqu'au bout la recommandation sur la réunification du président Kim Il-sung, père éternel de la nation, et de sa mission de vie d'exaucer le vœu des compatriotes. Les presses sud-coréennes, comme la radio CBS, ont présenté que le respecté maréchal Kim Jong-un a inspecté Panmunjom en mars 2012, et que toute la population sud-coréenne a lu sa volonté et sa foi invariable sur la photo du commandant suprême Kim Jong-un, qui a inspecté Panmunjom, empreint des traces indélébiles du général.